tous ces gens qui partent vers nulle part. Tous ces visages qui passent, qu'on ne voit qu'une seule fois. Toute cette foule immense qui se croise par hasard. Qui aime et qui vit et qui pleure et qui meurt tout comme nous. On peut imaginer vraiment n'importe quoi. En voyant défiler tout ce monde à la fois. Tous ces destins uniques qui semblent tous les mêmes. Qui courent ou qui roulent ou qui marchent ou qui traînent tout comme nous. Je peux pas le dire, je peux pas le crier plus fort. Excuse me my dear, juste un peu de réconfort. Je n'ai que ma lyre qui pour moi se porte fort. Et mes souvenirs racontés sur trois accords. Qui brûle, on voit tous deux chez soi. Bien nos yeux dans nos bulles, juste du bout des doigts. On regarde le monde en oubliant qu'en bas, la peur et la haine et l'horreur et le froid toujours là. Je peux pas le dire, je peux pas le crier plus fort. Excuse me my dear, juste un peu de réconfort. Je n'ai que ma lyre qui pour moi se porte fort. Et mes souvenirs racontés sur trois accords. Excuse me my dear, juste un peu de réconfort. Je n'ai que ma lyre qui pour moi se porte fort. Et mes souvenirs racontés sur trois accords. On peut pas le dire.